viens te baigner. Souvenir d'enfance, car tu y balances tout ce qui peut te gêner. Tu aimais les arbres, l'herbe et la rhubarbe. Maintenant que tu es grand, tu construis des villes, des automobiles. Y'a pas meilleur désherbant. Toi petit naguère, tu rêvais de faire le voyage des oiseaux. Tu grandis, tu penses, c'est sans importance que de les boucler aux os. Il suffit d'admettre, quand on est le maître, que la prison c'est normal. Mais qui est en cage, derrière le grillage, de l'homme ou de l'animal. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Toi comme un bon artisan, fais ta vie en te disant, comme on fait son lit, on se couche. Le meunier fait de son pain du matin. Mais s'il reste dans son lit, il est condamné aussi, avec les autres, à manger du pain rassis. Toi petit, la terre te semblait la guerre, bien je suis comme un melon. Voilà toi avec l'âge, tu veux, c'est dommage, t'en servir comme d'un ballon. Tu te tends la perche, tu vas et tu cherches, tu accuses à tout propos. Regarde ta glace, personne à ta place ne veut porter le chapeau. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Toi comme un bon artisan, fais ta vie en te disant, comme on fait son lit, on se couche. Le meunier fait de son pain sa tartine du matin. Mais s'il reste dans son lit, il est condamné aussi, avec les autres, à manger du pain rassis. Comme le meunier fait son pain, fais la vie avec tes mains. Avec ton cœur de disant, fais-la bien en te disant, comme on fait son lit, on se couche. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Ne faut pas se troubler, si on sème un grain de blé, on récolte à coup sûr un épi de blé.